Moïse et Darwin. L'homme de la jeunesse comparé à l'homme singe, ou l'enseignement religieux opposé à l'enseignement athée, par le docteur Constantin James. Édition Blood et Barral 1882. De l'antiquité de l'homme. Il n'existe pas de chronologie biblique, calcul qui en servit à l'établir, cause d'erreur, déclaration de Cuvier, objection réfutée, les tables astronomiques des Indiens, Bailly, Voltaire et Laplace, les zodiaques de Dendra et Desnay, Dupuis et Billiot, les inscriptions hiéroglyphiques, Champollion, Lucrèce n'admet pas l'extrême antiquité de l'homme. Nous avons établi que l'homme appartient à l'époque quaternaire. Note. Monsieur l'abbé Bourgeois veut même le faire remonter jusqu'à l'époque tertiaire, mais son opinion a été vivement combattue au congrès de Bruxelles de 1872, et j'avoue être également du nombre de ceux qui ne sauraient la partager. Fin de la note. Quant à son antiquité, il n'existe pas à cet égard de chronologie biblique. C'est une erreur de croire, dit Monseigneur Maignan, que la foi catholique enferme l'existence de l'homme dans une durée qui ne peut dépasser 6000 ans. L'Église ne s'est jamais prononcée sur une question aussi délicate. Et en effet, Moïse n'assigne aucune date à la création de l'homme, il en donne seulement les éléments. Voici comment on a procédé pour arriver à sa fixation. On a pris les âges des patriarches et on les a additionnés ensemble, en ne tenant compte que des années pendant lesquelles ils vivaient séparément. Mais il eût fallu démontrer qu'il n'y a eu aucune lacune dans la généalogie qu'en donne la Genèse. Or, un jésuite allemand, le père von Humloer, vient de prouver qu'il manque plusieurs anneaux à la chaîne qui sert de base à ses calculs. Notez également qu'il existe une différence d'environ 2000 ans entre la chronologie des Septante et celle de la Bible hébraïque, reproduite par notre Vulgate. De ces chiffres, quels sont les vrais? Ne seraient-ils même pas tous plus ou moins sujets à révision? Car enfin on compte plus de 150 versions différentes, toutes fondées sur des variantes du texte biblique. La date de 4000 ans est celle qu'on admet généralement, mais on peut très bien ne pas s'en tenir à ce nombre et placer la création à 6000 ans avant l'ère chrétienne, en acceptant la chronologie des Septante, comme le fait le martyrologe romain. On le peut d'autant mieux que, dans l'état actuel des recherches scientifiques et historiques, il n'est pas démontré que l'homme remonte au-delà de cette date. S'il y a, dit Cuvier, quelque chose de constaté en géologie, c'est que l'existence de l'homme, à la surface du globe, ne peut remonter beaucoup au-delà de 5 à 6000 ans. Sur quels documents historiques s'appuie-t-on généralement pour justifier des dates infiniment reculées? Ce sont surtout, les tables astronomiques des Indiens, les zodiaques des Snés de Dendra et les inscriptions hiéroglyphiques. Voyons quelle en est la valeur vraie. Tables astronomiques des Indiens. Bailly fut le premier qui invoqua ces fameuses tables pour faire remonter dans un éloignement incalculable l'origine des sociétés humaines. Il se livra à cet égard à des suppositions tellement chimériques, que le bon sens de Voltaire lui-même ne put y tenir, et qu'il le réfuta par des sarcasmes à sa façon. Note. Comprend-on que Bailly, qui devait se montrer un jour si grand devant la mort, ait répondu au sarcasme de Voltaire par des platitudes dans le genre de celle-ci? Les Brahms seraient vraiment fiers, s'ils savaient qu'ils possèdent un tel apologiste. Plus éclairés qu'ils ne peuvent l'avoir jamais été, vous possédez la réputation dont ils jouissaient dans l'Antiquité. Les hommes vont maintenant à Ferney, comme autrefois à Bénarès, Mais Pythagore aurait été mieux instruit par vous, car le Tacite, l'Euripide et l'Homère du siècle vaut, à lui seul, toute cette ancienne académie, etc., etc. Fin de la note. Rien jusqu'à présent ne nous est venu de la Scythie, écrivait-il, si ce n'est des tigres qui ont ravagé et dévoré nos troupeaux, mais devons-nous supposer que ces tigres soient sortis de leurs repaires avec des cadrans et des astrolabes? Qui a jamais entendu dire qu'aucun philosophe grec ait été chercher la science dans le pays de Gog et de Magog? Un adversaire plus redoutable que Voltaire, si toutefois la science est plus redoutable que l'épigramme, le célèbre de Lambre, confondit Bailly par des observations tellement précises et motivées qu'elles restèrent sans réponse. Laplace lui-même, malgré son amitié pour Bailly, s'éleva contre cette fabuleuse antiquité des tables astronomiques des hindous. « En ceci, dit-il, je m'éloigne, quoique à regret, de l'opinion d'un illustre et malheureux ami. Enfin, les plus savants astronomes de la France et de l'Angleterre déclarèrent plus tard, par l'organe de Maskelyne et de Claprotte, que les tables astronomiques des Indiens, auxquelles on avait attribué une antiquité prodigieuse, avaient été construites dans le 7e siècle de l'ère vulgaire, et qu'on s'était plu ensuite, par des calculs de fantaisie, à les reporter à des époques ridiculement antérieures. Zodiaque de Dendra et d'Esné. Ne parlons que du zodiaque de Dendra, celui d'Esné ayant donné les mêmes résultats. Voici un peu de mots l'historique de ce zodiaque dont on voulut faire, de même, une arme contre la Genèse. Lors de l'expédition d'Égypte, on découvrit dans un temple de Dendra des zodiaques peints ou sculptés, offrant les mêmes figures des constellations zodiacales que nous employons aujourd'hui, mais distribués d'une façon particulière. Ils furent soumis au calcul des savants, et il parut en résulter que ce temple était bâti au moins depuis 7000 ans, ce qui confondait la chronologie de Moïse. Dupuis soutint même que ces zodiaques avaient plus de 25000 ans, et il se hâta d'en tirer le parti que l'on devine dans son livre de l'origine des cultes. Cependant, le planisphère circulaire ayant été apporté à Paris, Monsieur Billot osa prétendre, dans un ouvrage fondé sur des mesures précises et des calculs pleins de sagacité, que ce planisphère représentait tout simplement l'état du ciel tel qu'il avait lieu 700 ans avant Jésus-Christ. Cela donna l'éveil sur l'époque de la construction des temples, on copia les inscriptions grecques gravées sur les monuments, et Champollion fut chargé de déchiffrer celles qui étaient exprimées en hiéroglyphes. Alors, il fut évident pour tout le monde que le temple de Dendra avait été construit sous les Romains, que son portique était consacré au salut de Tibère et que le planisphère lui-même portait le titre d'autocrator qui se rapporte à Néron. Enfin, dans un cercueil de momie rapporté de Thèbes, contenant le corps d'un jeune homme mort sous Trajan, on trouva un zodiaque divisé au même point que celui de Dendra. Ainsi de 7000 ans pour quelques-uns et de 25000 pour quelques autres il fallut se rabattre à 18 siècles. Inscription hiéroglyphique. Nous venons de dire que c'est Champollion qui déchiffra les hiéroglyphes du fameux zodiaque. Qui donc, plus que l'auteur d'une des plus merveilleuses découvertes de notre siècle, avait qualité pour réfuter les attaques dirigées contre Moïse. Mais Champollion ne s'en est pas tenu là, il a prouvé de plus qu'aucune inscription hiéroglyphique n'est en désaccord avec la chronologie indiquée par la Genèse. Voici comment il s'exprime. « J'ai démontré, dit-il, qu'aucun monument égyptien n'est réellement antérieur à l'an 25200 avant notre ère. C'est certainement une haute antiquité, mais elle n'offre rien de contraire aux traditions sacrées, et j'ose même dire qu'elle les confirme sur tous les points. C'est, en effet, en adoptant la chronologie et la succession donnée par les monuments égyptiens, que l'histoire égyptienne concorde admirablement avec les livres saints. Le chef de la dynastie des Diospolitains, dite la 18e, est le Rex Novus Kiniorabad Joseph de la Bible, c'est celui qui réduisit les Hébreux en esclavage. La captivité dura autant que la 18e dynastie, et ce fut sous Ramsès V, dit Amenophis, au commencement du 15e siècle, que Moïse délivra les Hébreux. Ceci se passait dans l'adolescence de Sésostris, qui succéda immédiatement à son père, et fit des conquêtes en Asie, pendant que Moïse et Israël erraient durant 40 ans dans le désert. C'est pour cela que les livres saints ne doivent point parler de ce grand conquérant. Tous les autres rois, nommés dans la Bible, se retrouvent sur les monuments égyptiens, dans le même ordre de succession et aux époques précises où les livres saints les placent. J'ajouterai même que la Bible en écrit mieux les véritables noms que l'ont fait les historiens grecs. Mais bornons-la nos citations, elles suffisent pour prouver, une fois de plus, que les faits invoqués contre Moïse tournent le plus souvent au contraire contre ses détracteurs. Il n'est pas jusqu'au paganisme lui-même qui ne proteste contre cette extrême antiquité de l'homme. Quant à moi, dit Lucrèce, je pense que l'univers est dans sa jeunesse, la nature dans sa fraîcheur, et que leur commencement ne date pas de bien loin. Et il appuie son opinion sur des motifs que je recommande aux méditations de nos libres penseurs. Markendanarchive.org, 2022, d'après Gallica BNF.fr, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.